Bonjour Emmanuel et bonjour à tous. Bienvenue sur les nouveaux chemins de la connaissance. Hey, you know what? Les nouveaux chemins se demandent tous les jours si nous sommes entrés dans l'ère des transitions, en compagnie de Tristan Grenatia, Marianne Chassor, Géraldine Mosna-Savoie, Antoine Ravon et Colomba Grossi, à la réalisation cette semaine Nicolas Berger, à la lecture Céline Monsara, avec aujourd'hui à la prise de son Valérie Lavalard. h 51, c'est l'heure à laquelle vous retrouverez Géraldine Mosna-Savoie pour ses 2 minutes papillon. Géraldine qui vous donnera envie de lire aujourd'hui le dernier livre de François Julien, De l'être au vivre, lexique euro-chinois de la pensée, publié chez Gallimard. Bienvenue sur les chemins du vendredi où chaque semaine nous tentons de réconcilier philosophie et actualité sous toutes ses formes. Actualité éditoriale bien sûr, mais aussi séminaires et festivals, autant de façons de tendre le micro à la philosophie en train de se faire. Alors après Isabelle Thomas-Fogiel, venue nous présenter les impasses du réalisme dans la philosophie contemporaine, et Frédéric Worms, qui la semaine dernière vous a dressé un portrait de la philosophie pendant et après la Seconde Guerre mondiale, j'ai le grand plaisir d'accueillir aujourd'hui le philosophe Pascal Chabot, dont le dernier livre, L'âge des transitions, publié aux éditions PUF, prend au sérieux ce terme employé dans tous les registres, transition énergétique, démographique, démocratique également, pour nous en proposer une méthode philosophique. Bonjour à vous Pascal Chabot. Bonjour. La transition, c'est le changement désiré. Comme des bateaux pris dans une mer houleuse, nos existences reçoivent plus de modifications qu'elles n'en décident. L'évolution, la nature et le hasard imposent leurs lois, souvent avec générosité, parfois avec dureté. Au sein du technocapitalisme, des processus puissants façonnent eux aussi les devenirs. Ils affectent le temps qu'ils accélèrent, les psychismes qu'ils orientent, et l'environnement qu'il continue de coloniser. Que les conséquences en soient positives ou négatives n'empêche que ces changements semblent subis et imposés. Le destin échappe à l'humain d'une façon inédite et mondialisée. Pascal Chabot, vous le dites dès le début de votre ouvrage, dont je viens de lire l'introduction, la transition n'est pas n'importe quel changement, c'est le changement désiré. Oui, c'est une manière de lier en effet le changement et la question du désir, parce que si le thème du changement est sur toutes les lèvres, si le changement est souvent un impératif, un mantra finalement, il est tout de même la plupart du temps imposé aux individus qui sont forcés, bon an mal an, de s'adapter à ces changements. C'est un changement finalement qui est subi, c'est un changement qui est passif. Et la question la transition est la question de l'invention d'un changement d'un type différent où l'individu serait peut-être un peu plus acteur et où il pourrait peut-être dans ce changement faire exister davantage ses désirs ou disons ses imaginations. En fait, la question du changement, pour moi, elle s'est vraiment posée avec une recherche précédente sur la question du burn-out où voilà, je voyais votre bien... Votre livre précédent, Global Burnout, hein, qui est sorti en 2013, je crois. Tout à fait, tout à fait. Et dans cette pathologie individuelle, qui est aussi à mon sens une pathologie de civilisation. On pouvait distinguer une série de contraintes à l'adaptation, s'adapter au temps, s'adapter à l'accélération du temps, s'adapter à des directives managériales, s'adapter à des modes d'organisation du travail. Et les individus, dans ces adaptations, sont passifs d'abord, mais sont aussi extrêmement malmenés, la plupart du temps, sont extrêmement malmenés, parce que certes, l'humain est capable de s'adapter, nous nous adaptons très bien, l'humain peut être l'espèce animale de toutes qui sait le mieux adapter, mais cependant, c'est pas le fin mot de l'existence. On s'adapte pour se réaliser, on s'adapte pas pour être adapté, ce serait un petit peu court. Donc, en poursuivant cette réflexion, peut-être de manière un petit peu plus positive que dans ces réflexions sur le burn-out, je me suis dit, tiens, quel type de changement peut-on inventé aujourd'hui, et ce thème des transitions, qui est un thème très vague, très large au début, m'est apparu comme pouvant recueillir différentes conceptions du changement, mais qui peut-être peuvent être unifiées par un concept. Mais en quoi entendez-vous, dans le terme même de transition, cette tentative de réappropriation que vous semblez signifier, à l'inverse du changement qui peut être subi, à l'inverse, et vous faites les distinctions dans votre ouvrage, disons, de la révolution, qui a un caractère à la fois de rupture et puis collectif, en quoi la transition est-elle à la fois subjective et, disons, investie de manière affective? Elle l'est dans la construction du concept, finalement, et elle l'est aussi lorsque on recueille la parole de celles et ceux qui se disent en transition, parce que je pense que la philosophie doit être très proche de l'expérience, très proche de ce qui se passe, et ne pas croire qu'elle peut, de manière assez démiurgique, imposer un thème qui ne collerait pas spécialement au vécu, au ressenti, aux paroles des acteurs. Le terme transition vient du latin transire, aller au-delà, et dans cette acception-là, il est relativement neutre. Il est investi d'une donnée affective, subjective, plus forte. D'abord par des théoriciens de la transition, par exemple en Angleterre, des gens comme Rob Hopkins qui fait un manuel de la transition assez important, d'une puissance rhétorique et argumentative tout à fait remarquable. Il y a des villes qui se disent des villes en transition, que ce soit en France, au Canada, en Suisse, en Belgique. Il y a tout le domaine des transitions énergétiques, bien évidemment. Il y a ce thème de la transition démocratique que, avec des fortunes diverses, bien entendu, et avec beaucoup d'ambiguïté, parfois, on a entendu parler lors des printemps arabes. Bref, il y a une constellation. Il y a une constellation où on a tout de même l'impression que quelque chose qui concerne notre futur et qui porte à construire un futur plus viable que certains des futurs qui nous sont imposés, dans cette constellation-là, se mettent à exister. Voilà la description. Voilà le terrain, et puis par la suite il faut essayer de travailler, disons, pour en faire émerger quelque chose de commun dans toutes ces opérations. Et ça, c'est ce que vous avez fait dans vos précédents ouvrages, hein. Vous avez cité Global Burnout, mais vous avez également votre premier livre, Les 7 stades de la philosophie. Vous distinguez une manière justement d'avancer, de progresser, c'est un terme qui vous est cher, en philosophie. Ce qui est intéressant avec le concept de la transition, c'est que ça peut être une forme de progrès. Mais c'est un progrès ou une façon de changer qui s'inscrit en contrepoint d'un autre concept qui est très en vogue, peut-être moins en ce moment, mais auquel vous réglez son compte assez rapidement dans votre livre, qui est celui de postmodernisme. Vous dites aujourd'hui, le postmodernisme ne veut plus dire grand-chose. Quand on dit nous sommes postmodernes, ça veut dire nous ne sommes plus qui nous sommes. Il me semble en effet que le terme, comme vous le dites, est beaucoup moins utilisé qu'il y a 15 ans, qu'il y a 20 ans. On l'entendait dans toutes les galeries d'art contemporain, on l'entendait dans tous les diagnostics sur l'époque. Ce candidat-là à la tentative jamais tout à fait réalisable de nommer l'époque, ce candidat-là me semble peut-être désuet. On acte bien entendu la grande importance du postmodernisme, c'est que les grands récits ne sont plus possibles. Mais enfin, il y a dans ce suffixe post à coller au modernisme, qui déjà est difficilement définissable, il y a quelque chose comme la tentative de dire que on est après quelque chose qui fut important, sans savoir avant quoi on est, ou sans a fortiori savoir vers quoi on va. Quel est le poste du postmodernisme? C'est évidemment très, très difficile à dire, et ce terme est d'ailleurs peut-être relativement décourageant par l'opacité qu'il secrète. En ce sens, il me semble que la transition pourrait être un candidat pour nommer certaines des expériences où l'imagination du futur s'invite aujourd'hui. Candidat transitoire, bien entendu. Mmh. Hein, je pense qu'il faut jamais de fétichisme des mots d'aucun. Mais enfin, quelque chose qui nous permet de nous orienter un petit peu mieux dans l'époque en y repérant ce qui peut être intéressant démocratiquement ou par rapport à notre rapport à l'énergie. Alors avant d'entrer plus précisément dans votre ouvrage, vous avez quasiment annoncé le plan tout à l'heure. Hein, on a la première phase, pourquoi changer? Deuxième phase, méthode de transition au pluriel. Troisième phase, transition énergétique, la puissance. Quatrième phase, transition démocratique, le pouvoir. Et enfin, cinquième phase, transition démographique, la coexistence. J'aimerais relever une distinction conceptuelle que vous faites et qu'on le retrouve à travers vos ouvrages, qui est extrêmement utile à la fois pour comprendre votre démarche et qui est toujours très opérante pour les sujets auxquels vous vous attelez. C'est celle entre, disons, des liens ou, disons, un progrès subtil et un progrès utile. Oui, je pense que cette distinction doit être faite à l'intérieur même de la notion de progrès. Parce que la grande difficulté pour penser le progrès, c'est la pensée de manière dichotomique entre celles et ceux qui souscrivent à un progrès avec un P majuscule, qui est une idéologie du 19e siècle, et celles et ceux qui le refusent. En binarisant les choses de cette manière-là, on est toujours plus ou moins perdant, parce que soit en votant pour, soit en votant contre, on vote pour deux camps tout à fait caricaturaux, finalement. Paul Valéry le disait très très bien par rapport au progrès. Il y a les partisans du progrès, les adversaires du progrès, ce qui ne fait jamais que deux lieux communs. À mon sens, il est plus intéressant de voir que c'est à l'intérieur même du progrès, dans deux conceptions différentes du progrès, que se joue une tension, que se joue une dichotomie même qu'il faut construire entre effectivement un progrès que j'appelle utile, parce que il est né de l'utilitarisme, et d'autre part un progrès qu'on peut appeler subtil et qui concerne des liens un peu plus ténus, moins faciles à discerner, qui concerne l'humain. Subtella, c'est ce qui est en dessous de la toile, c'est finalement la trame fondamentale entre les êtres. Le progrès utile, c'est le progrès technocapitaliste, c'est le progrès qui avance de manière globalement linéaire. Nous prenons tous les téléphones portables que nous avons eu par exemple dans notre existence, on a là une lignée qui est plus ou moins une lignée phylogénétique, enfin une lignée phylogénétique par métaphore bien entendu, mais elle illustre assez bien ce qui peut être pensé comme un grand courant qui irriguerait le progrès, qui le ferait aller de manière linéaire toujours plus loin, et de manière exponentielle aussi, puisque nos techniques, comme l'économie, forment un capital. C'est cela qui explique le caractère exponentiel du progrès utile. Tout ce qui a été inventé ne doit pas être réinventé. Le laser ne doit pas être réinventé pour être appliqué dans tel ou tel nouveau procédé chirurgical, par exemple. La grande force du progrès utile, il le doit à cette capitalisation-là. Et on peut prédire, effectivement, que ces inventions, ces opérations technologiques iront de plus en plus vite, de plus en plus loin, sauf bifurcation majeure, bien entendu, à cause de ce capital très important. Il ne faut pas réinventer à chaque génération. Pour ce qui concerne le progrès humain, car il en est existant, bien sûr. On le voit, quiconque élève un enfant, quiconque soigne, par exemple, est confronté au progrès humain. Il faut souvent reprendre les choses, si pas à zéro, mais parfois depuis le début. Il faut réapprendre le langage à chaque petit humain. Il faut réapprendre à apprivoiser une maladie à chaque malade. On n'est pas du tout dans un progrès qui est de l'ordre du linéaire. On est dans un progrès qui suppose des réapprentissages et qui a une cyclicité, qui est une cyclicité en phase, finalement, avec les cycles de la nature eux-mêmes. Il me semble qu'entre ces deux progrès, il faut chercher des équilibres, il faut faire certains arbitrages aussi, plutôt que d'opposer stérilement un progrès à son absence, que je ne sais pas ce que ça pourrait être. Petite Poussette a son portable dans la main, et ayant son portable dans la main, elle a trois accès. Elle a l'accès aux gens, avec le téléphone portable, elle a l'accès à l'espace avec le GPS et à l'accès à l'information avec Wikipédia, autre lieu. Et par conséquent, Petite Poussette tenant en main son portable, a découvert, du point de vue du temps, le sens réel du mot « maintenant ». « Maintenant » veut dire « tenant en main ».« Maintenant, tenant en main le monde ». C'est ça, précisément, la devise de Petite Poucette. Et je suis un ancien marin, et j'ai longtemps été à Djibouti. Et ma petite fiancée, qui est devenue ma femme depuis, était à Bordeaux. Et nous correspondions, nous écrivions. Et par conséquent, les lettres mettaient à peu près un mois et demi pour aller de Djibouti à Bordeaux. Et quand je recevais la réponse de ma petite amie, je ne comprenais pas très bien l'état d'âme dans lequel j'étais 3 mois avant. Donc la correspondance d'amour était pleine de lacunes graves. Aujourd'hui, avec le portable, vous êtes au courant immédiatement de l'état d'âme de ma petite amie qui est en face de moi ou qui est en Nouvelle-Zélande. Par conséquent, la correspondance d'amour date du portable. Rite de passage. C'est ainsi qu'on appelle dans le folklore les cérémonies qui se rattachent à la mort, à la naissance, au mariage, à la puberté. Dans la vie moderne, ces transitions sont devenues de moins en moins perceptibles et il est devenu de plus en plus rare d'en faire l'expérience vécue. Nous sommes devenus très pauvres en expérience de seuil. L'endormissement est peut-être la seule qui nous soit restée, avec le réveil aussi, et finalement les fluctuations de la conversation et les variations sexuelles de l'amour oscillent aussi autour de certains seuils, comme les variations de la figure du rêve. Pascal Chabot, nous avons entendu la voix de Michel Serre. C'était un extrait du grand entretien du 22 mai 2013 diffusé sur France Inter où il prend l'exemple de cette petite poussette, le personnage qu'il a créé et qui semble tout à fait adapté à ce que vous décrivez dans votre ouvrage. Et puis ensuite, j'ai lu un extrait de Walter Benjamin dans Paris, capitale du 19e siècle, le livre des passages, qui date de 1939 et qui constate, peut-être déplore, cette perdition des rites de passage qui était finalement une forme de repère qui permettait de mettre en œuvre des transitions pour permettre à tout un chacun d'avancer avec une forme de boussole. Et finalement, les deux extraits se renvoient. La question est celle de comment proposer des formes d'adaptation, vous le disiez, à un monde qui, lui, ne cesse de changer et qui crée cette forme de perdition qui ne conduit pas forcément à une culpabilité, le dit bien Michel Serre. Donc c'est la transition, peut-être une manière de s'approprier cette période-là, ce moment-là, pour essayer de proposer un avenir qui se tienne. Tout à fait. La transition est peut-être le changement doublé d'une conscience du changement, doublé d'une conscience que quelque chose est en train de changer. Et c'est vrai que la voix très chaleureuse de Michel Serre indique finalement qu'il y a un bonheur de grandir à l'ère numérique. Je pense que continuer dans son sillage à complexifier et à interroger les choses. On peut imaginer que Petite Poucette a un peu grandi, qu'elle a 6 ans ou 10 ans de plus, qu'elle habite maintenant seule, qu'elle vient de recevoir un iPhone via Amazon, qu'elle se chauffe de gaz russe, que sur son canapé Ikea, voilà, que le progrès a tenu ses promesses. Mais ce qu'on peut aussi imaginer, c'est que un malin génie vient lui dévoiler les coulisses du monde en lui disant que ce canapé Ikea est peut-être tout à fait confortable, mais qu'il se paye des prélations environnementales assez fortes, que cet iPhone est un objet unique et tout à fait magique dans le sens fort du terme, mais qu'il suppose aussi 1 million d'ouvrières en Chine, à Shenzhen, travaillant 10 heures par jour, 6 jours par semaine, qu'Amazon est d'une rapidité, d'une efficacité impressionnante, mais qu'elle suppose une organisation de travail tout de même très coercitive, que le gaz russe est quelque chose qu'on ne remarque même plus, mais que des démocrates, parfois, enquêtant sur cela, en prison, remarquent, eux, et de manière violente et douloureuse. Bref, le malin génie peut rendre le monde ambigu. Et la transition, c'est finalement la conscience de cette ambiguïté, la conscience pour petite poussette que elle vit le progrès, elle en profite, elle en jouit, mais en même temps, elle sait qu'elle est quelqu'un qui participe aussi à sa manière à la déprédation de l'environnement. Il y a là une ambiguïté pour laquelle elle n'a pas de formule et pour laquelle il n'existe pas de formule toute faite. Il me semble que la transition est ce moment de conscience de l'ambiguïté en se demandant qu'est-ce qu'il y a moyen de mettre en place, peut-être même comme rite de passage, pour en prendre conscience et pour chercher à orienter le devenir dans un sens, je dirais, plus positif ou dans un sens, en tout cas, moins violent. We believe that for people to really understand. Nous pensons que pour que les gens comprennent vraiment comment ils peuvent avoir un impact dans le monde, il faut qu'ils aient le sentiment de maîtriser dans une certaine mesure ce qu'ils font, d'avoir une prise sur ce qu'ils font. Or, la plupart des structures qui nous entourent sont des structures où personne n'a vraiment de pouvoir et de prise sur ce qu'il fait. On n'a pas le sentiment d'être utile et que votre action aura un effet. Tout ceci me ramène donc aux principes fondateurs de transition. Alors, les principes, ils touchent davantage au processus et à la manière de faire qu'à l'idéologie en tant que telle. Le processus est suivant. L'hypothèse de base, c'est que tout un chacun peut vraiment, vraiment agir et être agissant lorsqu'il est conscient de ses capacités et qu'il peut être en relation avec autrui. Tout est lié à l'énergie. Notre alimentation est liée à l'énergie. Les combustibles fossiles sont également une source d'énergie et ils conduisent à un changement climatique du fait de notre utilisation de l'énergie. Donc, il est essentiel de comprendre l'énergie et il faut également faire en sorte que les humains puissent prendre le pouvoir, prendre leurs décisions quant à la manière de vivre. Avec d'authentiques gerbes de soja. Vous qui avez de l'argent, montez, venez m'acheter du soleil vert. Ici, on vend du soleil vert. Hatcher, j'ai vu ce qui se passait. Il faut qu'ils le disent au peuple. Disent quoi? Que l'océan agonise, le plancton a cessé d'exister. Ils se servent des hommes. Le soleil vert est fabriqué avec des hommes. Ce que nous mangeons est fait d'hommes, comme vous et moi. Ils nous élèveront bientôt et nous abattront comme des bêtes de boucherie. Dites-le à tout le monde. Vous devez le dire à tout le monde. Je vous promets que ce sera fait. J'irai à l'échange. Dites-le à tout le monde. Écoutez-moi, Hatcher. Je vous jure que c'est vrai. Le soleil vert, c'est de la chair humaine. Deux scénarios possibles, Pascal Chabot, le premier tiré de la réalité et de l'autre, j'espère, de la fiction. Je commence par le deuxième, parce qu'on vient de l'entendre, un extrait du film d'anticipation réalisé par Richard Fleischer, Soleil vert, qui date de 73, où l'humanité est réduite à manger ces pastilles vertes dont on va découvrir à un moment que ces pastilles vertes sont constituées de chair humaine. Donc les ressources étant tellement épuisées que nous on ne peut plus nourrir la population et qui est elle-même réduite à se manger, disons, s'entremanger. Et juste avant, on a entendu un extrait de Peter Lipman, qui est un Anglais qui a beaucoup travaillé avec Rob Hopkins, que vous citiez tout à l'heure, sur la notion de transition et la fin de la dépendance énergétique. Et on a choisi de diffuser cet extrait puisque la façon dont il avait de parler de l'énergie, de la possibilité pour l'homme d'agir, eh bien, laissait penser que finalement, tout cela pouvait sonner un peu creux. C'est-à-dire qu'il y a une forme d'irénisme dans ce discours, d'en appeler à la responsabilité humaine. Et oui, nous pouvons agir, il suffit de prendre l'énergie où elle est. Elle est aussi dans notre corps. Donc, comment faire pour ne pas tomber dans un catastrophisme qui ferait que, bah, du coup, la transition n'a plus lieu d'être puisque nous allons vers le pire? Et de l'autre, vers une forme d'angélisme ou qui est très culpabilisant pour l'homme et qui penserait qu'il suffit d'agir pour pouvoir, disons, progresser, justement, pour reprendre votre terme. Tout à fait. C'est toute la question. C'est vraiment le centre du débat. Et il est vrai que s'il y a un catastrophisme qui cinématographiquement est magnifique et palpitant dans Soleil Vert, c'est là un scénario qu'on espère ne pas se voir se réaliser. S'il y a là donc un catastrophisme trop prégnant, à l'inverse, la relative naïveté peut-être de rhétorique communautariste comme celle que l'on a entendue et qui a cours dans toute une série de cénacles, que ce soit outre-Manche, que ce soit en Europe aussi, et peut-être à la fois un peu trop angélique et peut-être un petit peu trop pauvre en concept de philosophie politique. Cela est exact. Il n'y a pas de pensée de l'institutionnalisation. C'est une pensée qui est finalement très apolitique, dans une tradition qui est peut-être plus proche de la tradition anglo-saxonne que de la tradition continentale, en ce sens que il y a la pensée que l'auto-organisation de communautés, de petites communautés, peuvent en se fédérant, en se réticulant finalement, avoir un impact à plus grande échelle. C'est quelque chose qui est assez étranger à la mentalité peut-être plus centralisatrice de certaines démocraties du continent, dont bien sûr la France. Là, il faut voir les deux cultures. Mais il faut c'est vrai interroger ce discours, cette rhétorique, en y voyant d'abord quelque chose qui peut être tout à fait intéressant, parce que éminemment pragmatique. Donc des gens comme Hopkins, des gens comme Lippmann, et de même toute une série d'acteurs de la transition sont des gens qui agissent avant de parler, qui sont beaucoup plus du côté effectivement de du solaire, de la construction de potagers collectifs, toute une série de d'initiatives de ce genre qui sont des gouttes d'eau dans l'océan, dans l'océan bien entendu, et à quoi on peut tout à fait reprocher de ne servir à pas grand chose et de n'avoir pas d'impact positif concret. Il y a quelque chose de peut-être même de désespérant à se rendre compte que ce ne sont que des gouttes d'eau dans l'océan, mais tout de même ce sont des actions qui peuvent être doublées d'une prise de conscience et dans leur fragilité. Je pense que elles sont un symbole relativement attachant du fait que finalement il n'y a pas un rapport cynique obligé à la fatalité. Ouais. Il n'y a pas un rapport cynique obligé à la fatalité, ce qu'on nous ressasse tout de même assez souvent en nous disant, écoutez, c'est comme cela, le système est bien trop complexe pour que vous puissiez changer quoi que ce soit, votre action n'a pas d'impact, et même en vous fédérant, cela ne changera rien. Il y a un fatum, qui est le fatum contemporain du système, et en prenant acte, bien sûr, il y a moyen de déployer beaucoup d'ironie par rapport à celles et ceux qui essayent de s'agiter en un sens différent. À partir du moment où on relativise un petit peu cette notion de fatalité et où on se dit qu'il y a des réappropriations possibles, des recapacitations, comme on dit dans d'autres mouvements de philosophie politique, je pense qu'il y a moyen de voir les choses autrement et par rapport à l'énergie. Voilà, c'est le terme important qui avait été prononcé par Lippmann, le terme d'énergie. Il disait, et on parle d'énergie comme les ressources extérieures, mais l'énergie est aussi en l'homme, et là pour le coup c'est pas de faire preuve de naïveté que de dire ça, et vous insistez bien dans votre ouvrage là-dessus, hein, dans la phase intitulée Transition énergétique sur la puissance. Il y a des énergies qui sont certes invisibles, mais l'homme à lui-même est au lui-même une source d'énergie, et ça il faut le prendre en compte pour essayer de penser la faculté d'impulsion que l'homme peut donner à cette transition. Tout à fait, je pense que l'énergie est le grand refoulé de la philosophie contemporaine. Ouais. L'énergie est invisible, nous cachons les énergies comme naguère les esclaves dans les soutes des triers grecs qui partaient en mer n'étaient vus par absolument oui, personne. Vous dites que l'esclavage est la première source d'énergie. L'esclavage est la première source d'énergie et d'ailleurs qui explique la relative stabilité mécanique de la civilisation gréco-romaine. Il n'y avait pas besoin d'inventer beaucoup puisqu'il y avait des bras et des corps à profusion. De même, le pétrole est très peu vu. Il est très peu vu, et même quand il tâche les doigts ou quand il est un petit peu trop odorant à la pompe à essence, certains ou certains sont plus ou moins dégoûtés. Mais c'est un miracle. C'est un miracle que l'on ne voit pas, que l'on ne voit plus. Mais un verre de pétrole, c'est l'équivalent de la force physique déployée par un travailleur pendant environ 2 mois. 2 mois de travail physique contre un verre de pétrole. Notre civilisation est bâtie sur ce miracle-là. Et c'est d'abord en prenant conscience, en ouvrant cette boîte noire de l'énergie finalement, que on peut commencer à construire quelque chose qui est de l'ordre d'une phénoménologie de l'énergie. Je crois que de la même manière que les pensées du corps, la phénoménologie du corps a eu un impact sur l'architecture, sur le paysage, sur la manière dont certaines de nos villes sont bien dessinées ou pas trop saccagées, ça dépend l'humeur de la matinée. De même, une phénoménologie de l'énergie peut nous faire prendre conscience du fait que nos énergies humaines, ces énergies que nous sommes et que nous empruntons d'ailleurs aux énergies animales en les mangeant, ne l'oublions pas non plus, voilà une autre source d'énergie qui est très occulte et cachée, mais elle est effroyable au niveau quantitatif. Et bien en prenant conscience de ce lien-là entre énergie humaine et énergie non humaine, on peut peut-être construire une politique énergétique, une transition énergétique qui est plus intéressante, qui est plus respectueuse à la fois pour ses impacts géopolitiques, pour ses impacts sur ce qu'on appelle l'anthropocène, mais aussi pour ses impacts sur l'humain, parce que je pense que c'est en faisant exister les énergies humaines et en les rendant présentes dans le débat et en sachant qu'elles sont modulées elles-mêmes par les énergies techniques que nous utilisons, elles sont changées, transformées par les énergies techniques, simplement un taximène qui passe 10 heures dans une voiture électrique ou 10 heures dans une voiture qui vrombrit au rythme du diesel, vous dira à 10 heures du soir ou 11 heures du soir que sa journée est très très très différente. Enfin, je veux dire, c'est des choses extrêmement concrètes. Précisément, il y en a un qui relate son expérience concrète du lien entre l'énergie humaine et l'énergie technique. Il s'agit de Sylvain Tesson, que vous citez dans votre ouvrage Pascal Chabot, un extrait de L'éloge de l'énergie vagabonde. Écoutez-le. Les oléoducs constituent des invitations au voyage. Ils dessinent des itinéraires excitants. Ils sont des lignes de fuite. Ils symbolisent les axes de tension entre les nations. Leurs fils raccordent les gisements souterrains aux mers lointaines. Leur tracé se fraye chemin à travers les faiblesses de la géographie. Par les cols, les vallées et les plaines, ils empruntent les routes historiques. Là où sont passées les hordes en haillons, les caravanes de marchands, là où furent ouvertes les premières pistes, posées les premiers rails, là fuse aussi le pétrole. Profitant de cette traversée de terre à haute valeur pétrolifère, je veux consacrer mon temps d'avancée solitaire à réfléchir au mystère de l'énergie, celle que nous extrayons des strates de la géologie, mais aussi celle qui attend son heure au plus profond de nous, moteur insaisissable qui génère les actions, les paroles, les pensées. Ce volcan, dont on ne sait de quel feu il se nourrit, ni quand il partira en cendres. Pétrole et force vitale procèdent du même principe. L'être humain possède un gisement de force que des forages propices peuvent faire jaillir. Je tâterai de ces ressorts qui nous jettent dans l'action, nous poussent à nous lever le matin, nous condamnent à une vie hâtive, au lieu de nous convertir à l'usage zen, first do nothing, then rest. Peut-être ainsi saurais-je mieux puiser au fond de moi les réserves d'énergie, convoquer mes forces et libérer celles qui hibernent dans les recoins de mon âme. Sacré nom de bon Dieu, c'est toujours pareil à 7h du matin ou 6h du soir. Si j'avais pas besoin d'une bagnole, je ne serais pas parmi ces tocards. Il n'y aura plus de pétrole, on se promènera en carriole parmi les fleurs et feuillages. Les motards sont en chômage, on respirera profond. Le bon Dieu retrouvera ses moutons. Oh la vache, non mais regarde-moi ce con, le feu est vert, il avance pas, créneau de Dieu, je vais être en retard. Si je déboîte la file de droite, va m'engueuler, oui ça va être au quart. Vous écoutez France Culture, le nouveau chemin de la connaissance, les frères Jacques quand il n'y aura plus de pétrole. Bienvenue sur les chemins du vendredi, où j'ai le grand plaisir de recevoir aujourd'hui le philosophe Pascal Chabot, qui publie aux éditions PUF l'âge des transitions. Transition démographique, transition démocratique et évidemment transition écologique, d'où le pétrole avec les frères Jacques. On repiquera ses radis en priant le bon Dieu qui est la pluie. Ça y est, je tombe en plein sur un bouchon, je suis vraiment dans la file des cons, mais rien, un camion en travers. Oh les emplâtres, y'a qu'à passer sur le trottoir, vas-y pépère. Une petite maison au fond des bois, détail volaille et un feu de bois. Dîner sarclé, faucher les champs, quand on y pense c'est fatigant. Au fond la vie dans la nature, c'est le paradis vu de sa voiture. Tiens ça y est, la route est dégagée, c'est quand même drôlement chouette de rouler en bagnole quand ça avance. Y'a pas de flic dans le coin, qui s'en va, vas-y tonton, et vive la France. Si on poursuit la lecture de votre ouvrage, Pascal Chabot, on a passé un petit peu de temps dans la transition énergétique, hein, la troisième phase de votre livre, et qu'on arrive à la quatrième phase, celle-ci s'intitule « Transition démocratique, le pouvoir ». Et alors, on y découvre, en tout cas j'y ai découvert un terme dont j'ignorais l'existence, c'est la transitologie. Non seulement c'est un terme, mais c'est un courant de pensée. C'est un courant de pensée, effectivement, que j'ai découvert en faisant la recherche, qui est née aux États-Unis dans les années 70, dans des facultés de sciences politiques, où une série de chercheurs se regroupaient en séminaire pour se demander comment appréhender et avec quels outils conceptuels appréhender ce moment étrange, ce moment de in-between, qui voit une dictature basculer ou transiter finalement, comme ils le disent, vers la démocratie. Et la discipline qu'ils fondent en écrivant un ouvrage qui s'appelle Transition to Democracy, qui est connu en anglais comme The Little Green Book, qui est un livre que Mandela, par exemple, a beaucoup lu. La discipline qu'ils fondent, ils l'appellent transitologie, en disant, avec un certain humour d'ailleurs, qu'il y a peu de disciplines aussi difficiles, puisqu'il s'agit d'une discipline des phases turbulentes, et que précisément ce moment de transition démocratique est un moment dans lequel on ne peut pas s'appuyer sur les règles anciennes qui furent édictées sous la dictature, et dans lequel on ne peut pas non plus s'adapter sur les règles futures, qui seront celles d'une démocratie balbutiante et à venir, puisqu'elle n'existe pas encore. Donc ils font là la science du flou, la science des phases turbulentes, mais ils le font tout de même en disant que il y a un azimut qui est toujours assez clair, c'est le désir d'abord de chasser le tyran et de construire quelque chose qui est de l'ordre de la démocratie, et en plus il y a des moyens à utiliser plus ou moins bons, plus ou moins intéressants. Alors ce courant à la transitologie est repris dans les années 2010. Il y a un grand livre en 2013 qui s'appelle Transition to Democracy, a Comparative Perspective, donc vraiment une perspective comparatiste sur la transition démocratique, ce qui montre aussi un petit peu l'état d'esprit, le changement d'état d'esprit dans les études des sciences politiques, puisque aux intuitions des années 70, disons, on a il y a quelques années quelque chose qui est beaucoup plus structuré, qui est extrêmement ordonné, où les transitions démocratiques dans toute une série de pays sont analysées pour essayer de voir quels sont les facteurs internes, comme le pouvoir contestataire des médias en place, ou externe comme du lobbying de certaines puissances, pour voir comment les transitions se passent. Et les auteurs, puisqu'il faut reparler aussi un petit peu de transition énergétique, les auteurs constatent, et c'est tout à fait intéressant, que hormis le cas de la Chine, certaines transitions démocratiques ont été avortées quand il y avait un poids trop important du secteur énergétique, donc d'une diplomatie qui est une diplomatie centrée souvent sur les énergies. Donc voilà ce qu'on peut ce qu'on peut voir à première vue des transitions démocratiques, en n'oubliant pas de manière critique qu'il y a quelque chose d'assez paternaliste aussi dans paternaliste. Et puis on peut aussi, est-ce que vous y croyez à l'expression transition démocratique? Est-ce que une transition peut conduire à la démocratie? Est-ce que c'est pas une formule un peu à la porte-pièce et bien pratique pour désigner un phénomène qu'on a du mal à comprendre et à prévoir? La formule est en effet une formule assez générique et les occurrences sont toujours très diverses. Mais enfin, la Pologne l'a connue en son temps, la Tunisie l'a connue également. Je pense que le processus de transition démocratique est un processus qui signifie clairement quelque chose au niveau des sciences politiques. Oui, tout à fait. Parce que la difficulté de voir le point commun entre ces différentes transitions, on a parlé de la transition énergétique, la transition démocratique, puis aussi la transition démographique. Ce sont des secteurs, des domaines qui sont si différents qu'on a du mal à voir en quoi, finalement, le même terme va pouvoir désigner des... Bah alors, je n'ai pas d'autre terme que transition, justement, mais ces phénomènes qui sont si... Vous voyez ce que je veux dire? Tout à fait. C'est le philosophe que vous êtes forgé un concept pour lire ces événements et les regrouper dans une famille, hein, c'est ce que fait un concept. Est-ce qu'on garde la spécificité de chacun de ces aspects quand on les relie à travers un seul et même concept? Si le concept n'était qu'un mot, il serait caduc et inutile, en effet. C'est pourquoi j'ai essayé de mettre en place et de réfléchir à ce que j'appelle une méthode des transitions, c'est-à-dire que dans ces différents domaines, cette opération de transition passe, selon moi, par trois grandes étapes. D'abord, ouvrir les boîtes noires, c'est-à-dire voir ce que recèle véritablement un état de choses, voir ce que notre rapport à l'énergie, qui est, comme on le disait, inapparent souvent, est refoulé, voir ce qui s'y passe effectivement, la boîte noire du pouvoir, la boîte noire de la coexistence, avec cette question de la transition démographique qui est tout à fait passionnante. Donc première chose, ouvrir les boîtes noires. Deuxièmement, essayer de jouer contre une culture qui voudrait avoir le monopole d'un progrès utile. Essayer de jouer une culture du subtil, donc quelque chose qui essaye de retisser certaines trames, certains liens humains. Et en même temps, troisième point de cette méthode des transitions, essayer de réfléchir sur les mentalités et se dire que il y a des domaines, comme ceux de la transition énergétique par exemple, où ce sont des mentalités qui sont bien plus irriguées par le respect que par la soif de rentabilité. Et là, on voit quelque chose qui est de l'ordre d'un changement des mentalités, avec quelque chose aussi qui est très très très énigmatique et qui ne se décrète pas, mais on le voit, on le lit, et des personnes qui travaillent dans les énergies renouvelables, qui en sont encore bien entendu à faire leur maladie de jeunesse, et pour cela encore extrêmement fragile. Enfin, la grande question du renouvelable, c'est la question du stockage de l'énergie, qui est une question technique sur laquelle beaucoup de gens travaillent aujourd'hui. Et si le renouvelable est un jour viable à terme, c'est qu'on aura parvenu à maîtriser certains types de stockage de l'énergie. Enfin, dans ces domaines-là, adviennent certaines mentalités qui, c'est vrai, professent quelque chose de l'ordre du respect, quelque chose de l'ordre de la reconnaissance. Bon, cette méthode des transitions, donc elle est en trois phases, et j'essaie de l'appliquer alors sans vouloir réduire bien entendu ces domaines à une identité commune qu'ils ne possèdent pas, mais j'essaie de les aborder en cherchant à y voir à l'œuvre des opérations. Et c'est ça, vous le décrivez bien, notamment parce que vous consacrez un chapitre à cette méthode des transitions, notamment avec la distinction entre les moyens et les fins. Où est la fin? C'est-à-dire que bien souvent, le changement est porté par une fin, un but. Et là, on a entendu les extraits tout à l'heure qui pouvaient montrer pour le meilleur et pour le pire, hein, entre l'angélisme parfois écologique et de l'autre le catastrophisme des dystopies qui montrent que une fois qu'il n'y aura plus de ressources, le monde s'arrêtera et l'humanité se dévorera entre elles. Ça, c'est quand on pose la question des fins. Et finalement, le terme de transition vous permet de vous intéresser à la question des moyens. C'est-à-dire que une transition, c'est aussi le choix des outils dont on va se servir pour aller vers le but que l'on se sera désigné. Et là, je pense à un philosophe sur lequel vous avez beaucoup travaillé, que vous connaissez bien, qui est Gilbert Simondon, qui met en place cette pensée de l'outil-là et de l'énergie, d'ailleurs, sur laquelle vous insistez tant. Tout à fait. Simondon est absolument central dans ce débat. C'est quelqu'un qui a vu des choses que d'autres ne regardaient pas, notamment l'importance des moyens, qui sont souvent aussi plus ou moins invisibles, plus ou moins cachés dans la boîte noire. La mentalité des transition est une mentalité qui interroge non pas le but premier qui serait par exemple de se déplacer, mais comment se déplacer. C'est une question qui est une question de l'âge technologique. C'est une question que nous n'avions pas naguère, enfin que nous, j'étais pas là, mais il y a 2 siècles ou 3 siècles, quand le choix entre se déplacer à pied et se déplacer à cheval était un choix qu'on avait que les possesseurs de cheval. Je veux dire, la question des moyens importait relativement peu, c'est un luxe finalement de se la poser. C'est notre luxe technologique qui finalement en ayant démultiplié les moyens possibles se trouve maintenant confronté de plus en plus à la nécessité de certains arbitrages entre les moyens, par exemple les moyens de production de l'énergie, parce qu'on se rend compte clairement que ces moyens ne sont pas neutres. Finalement, ce ne sont pas des idéologies qui ont créé la civilisation du tourisme, c'est le moyen qui est l'avion. Ce ne sont pas des idéologies qui ont créé ce que l'on appelle le village global. Ce sont des moyens de communication. Donc notre civilisation est pour une grande part la résultante d'une série de moyens et les pensées des transitions qui ne sont pas des pensées très charpentées politiquement, il faut le dire, donc qui ne sont pas des pensées ayant une forte maîtrise idéologique sur les finalités qu'il faudrait voir advenir, sont plutôt des pensées pragmatiques, relativement humbles pour cela, mais qui savent que c'est dans les moyens finalement que se tissent les devenirs. Écoutons-le. Nous avons l'occasion d'écouter Gilbert Simondon, c'est une chance. Donc c'était sur France Culture le 30 avril 1971 dans l'émission Les sciences et les techniques. J'ai mis parmi les objets techniques les outils, car ils m'ont paru être une des premières formes de l'intermédiaire entre l'homme et le monde extérieur. C'est un médiateur entre deux extrémités, parfois une chaîne entre deux extrémités. L'un des bouts de la chaîne, c'est quelque chose dans la nature, et l'autre bout, c'est la main humaine ou tout le corps humain qui en est harnaché. Ce sont, comme disait Norbert Wiener, des prothèses. Il y a des prothèses d'action et il y a des prothèses de perception. Si je mets l'œil à un télescope, c'est une prothèse de perception, et la pince à long bec est une prothèse d'action. Et d'autre part, historiquement, il est probable que le corps humain a été porteur d'outils avant que ce ne soit les machines elles-mêmes qui soient porteuses des outils. Il est très important de voir qu'on passe de l'outil à la machine en créant simplement un tertium quid qui est comme un corps et comme un moteur, car le corps humain a en lui de quoi être à la fois un support et un moteur. Il donne de l'énergie et il tient. La machine-outil a un moteur, où elle est reliée par une courroie. D'autre part, elle tient son outil. Gilbert Simondon résume à sa façon finalement la discussion que nous venons d'avoir, puisqu'on y entend les termes de technique, d'outil, d'énergie et de corps humain qui a de l'énergie et qui tient de l'outil. On en revient à ce qu'on disait en début d'émission avec l'extrait de Michel Serres qui parlait de petites poussettes. Hein. L'âge des transitions ne peut pas faire l'économie d'une réflexion sur ces outils, cette technique, cette technologie avec laquelle nous nous devons de composer, Pascal Chabot. Tout à fait. Il est le penseur des médiations qui, peut-être à l'opposé d'un Bergson qui cherchait un rapport à l'immédiat, se dit qu'il faut en revenir à une réflexion sur ces médiations avec une méthode qui est elle-même assez bergsonienne du reste. Cette prise de conscience du poids des médiations sur les devenirs environnementaux me semble absolument centrale, absolument important. Et l'œuvre de Simondon, en tout cas c'est comme ça que je la vois, est comme un foyer qui peut être prolongé dans toute une série de directions, dont la direction des transitions, qui ne sont pas une méthode révolutionnaire ni rénniste de changement, mais quelque chose qui serait une philosophie de la technique bien comprise, jusque dans ses conséquences politiques les plus importantes. they used to be. Where did all the blue skies go? Poison is the wind that blows from the north and south and east. Oh, mercy, mercy me, mercy. All things ain't what they used to be. Lost, oil wasted on the oceans and upon our seas. Fish full of mercury. Et c'est avec Marvin Gaye qui nous chante sa chanson sur l'écologie, Pascal Chabot, que nous nous quittons. Un grand merci à vous d'être venu nous parler de votre livre. Grand merci. Et je rappelle le titre « L'âge des transitions », un ouvrage publié au PUF. Et je tiens à le préciser, je ne l'ai pas fait au cours de l'émission, vous avez la grande qualité, Pascal Chabot, de proposer des ouvrages non seulement très clairs, passionnants, mais courts. Et je sais à quel point c'est difficile d'arriver à faire des ouvrages concis, alors bravo. Merci. What about this overcrowded land? How much more we use from man? Can't you stand? Vous écoutez France Culture, les nouveaux chemins de la connaissance. Encore 2 minutes, papillon, il est l'heure de retrouver, comme tous les jours, Géraldine Mosna-Savoie qui vient vous donner envie de lire un livre de philosophie qui vient de paraître. Bonjour Géraldine. Bonjour Adèle, bonjour à tous. Aujourd'hui, parution du lexique euro-chinois de la pensée de François Julien aux éditions Gallimard. Il vient un temps dans son travail où il convient de commencer de nouer entre eux les divers fils. Ce temps semble bienvenu pour François Julien, qui ouvre son lexique euro-chinois avec cette réflexion. Depuis quelques années, le philosophe et sinologue a en effet fait pousser des concepts qui ont cru à la lumière de la rencontre entre la pensée chinoise et la pensée européenne. Et il a ainsi développé toute une pensée de la langue, ou plutôt de l'écart qu'il y a entre des langues, et qui donne lieu à ce que François Julien appelle lui-même une philosophie du vivre. L'idée de la vie cristallise bien toute l'originalité de sa pensée. C'est d'ailleurs toute cette idée qui sous-tend son lexique et sa démarche. Il est ainsi question d'une stratégie du vivre qui fait des concepts des outils à même de penser les écarts entre les langues. Non pas les différences entre deux mots, d'une langue à l'autre, mais bien les écarts. Alors que la différence apparaît par rapport à quelque chose d'identique qui perdurerait, l'écart ne s'appuie sur rien de figé. Au contraire, il s'appuie sur la vie, mouvante, fluctuante et toujours en tension. Ce lexique ne procède donc pas par comparaison, mais par une mise en miroir de termes. Par exemple, la ténacité face à la volonté, la transformation silencieuse face à l'événement sonore, ou encore la ressource face à la vérité. Et c'est dans l'exploration du terme « essor » qu'apparaît le plus clairement le parti pris de François Julien. « Si la pensée de l'être rate quelque chose de notre expérience, nous dit-il, c'est que, en déterminant des propriétés, elle suppose une adéquation de soi avec soi. Or, cette coïncidence ne contredit-elle pas ce qu'est vivre dans son être propre et qui justement n'est pas de l'être ?» Julien trace donc une voie, donne une méthode pour passer de l'être au vivre, de l'essence à soi, à la tension avec soi. Je rappelle le titre de ce lexique euro-chinois de la pensée, « De l'être au vivre » paru aux éditions Gallimard. Et j'en profite pour signaler aussi la parution des possibles de la pensée, acte du colloque de Cerisy consacré à l'itinéraire philosophique de François Julien, paru donc aux éditions de Cerisy, et puis la parution de sa philosophie du vivre aux éditions Gallimard. Merci beaucoup Géraldine, les nouveaux chemins touchent à leur fin, mais pas d'inquiétude, on se retrouve lundi prochain pour une nouvelle semaine consacrée aux séries télévisées. Et oui, philosopher avec les séries, vous l'avez demandé. Nous allons le faire avec Fargo lundi, Mad Men mardi, Breaking Bad mercredi et Downton Abbey jeudi. Et enfin, si d'ici lundi vous ne pouvez vraiment pas vous passer de philosophie, rendez-vous dimanche à 16h pour le Gai Savoir de Raphaël Antoven avec Paola Reymann. Raphaël et Paola vous parleront ce dimanche de Suran. D'ici là, si vous voulez réécouter cette émission, rendez-vous sur le site de France Culture à la page des Nouveaux Chemins. Vous y trouverez les indications bibliographiques, musicales concernant l'émission du jour et surtout, vous pourrez la télécharger, la podcaster afin de l'écouter où vous voulez et quand vous voulez. Rendez-vous également sur les pages Facebook et Twitter des Nouveaux Chemins où l'équipe met en ligne quotidiennement l'émission du jour et attend vos remarques et commentaires. Mais pour l'heure, vous écoutez France Culture, il est 10h54. C'est l'heure, comme tous les jours, de retrouver Christophe Onodibio pour le Temps des libraires, suivi à 11h de Culture Monde par Florian Delorme.